Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver en ce dernier mardi d'hiver. Et oui, puisque demain c'est le printemps, c'est le soleil, c'est tout ça, ça veut dire c'est le début des festivals. Donc plein de musique, plein de bières, donc l'éclate totale. Enfin, toujours est-il que l'éclate, c'est toutes les semaines dans Electric Shock. Bah, ça, vous le savez si vous êtes à l'écoute, bien évidemment. Et ce soir, bah, je vous ai gâté puisque vous aurez quand même 5 nouveautés, puis bah, des petits retours sur ce qu'il y a eu ces dernières semaines. On a eu quand même pas mal de choses quand même très intéressantes, et on a eu quand même deux très dures. Vous êtes bien installés? Eh bien, on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés la semaine dernière et ce sera une des grosses sorties de l'année 2024. C'est le dernier album de Judas Priest, la légende britannique qui est toujours là. 50 ans après avoir sorti son premier album, ben, ils nous ont ressorti un nouvel opus. On peut dire que c'est presque quelque chose d'inespéré. Alors, si vous avez lu la presse ou certains les commentaires partout, c'est dithyrambique, c'est le meilleur album qu'ils aient jamais fait, tout ça. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu partagé, même si je reconnais qu'il y a de très bonnes choses sur ce dernier album. Je le trouve quand même moins incisif que le prédécesseur Firepower, qui était sorti en 2018 et qui nous avait foutu vraiment... Alors, moi, ce qui me concerne, vraiment une belle claque, et je me disais que si c'était vraiment le chant du cygne, ce serait un bon moyen de partir. Mais enfin, celui-ci, malgré tout, a de très bonnes choses, même si je trouve que la première moitié de l'album est vraiment dans l'esprit son prédécesseur. Le reste est quand même un peu plus convenu, on va dire, mais ça reste du très bon. Et puis, quel groupe peut en dire autant, plus de 50 ans de carrière, comme rien que ça total respect. Et Judas qui sera en concert donc le 8 avril prochain au Zénith avec Saxon en special guest. Bon, c'est vrai que ça fait affiche de vieux combattants, mais qu'est-ce que ça va le faire? Eh bien, un extrait de cet album Invincible Shield, premier morceau de la soirée, c'est Trial by Fire. Vous aurez reconnu sans problème, j'imagine, Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, en escapade solo avec son nouvel album The Mandrake Project, un album vraiment magnifique qui se bonifie vraiment au fur et à mesure des écoutes où on découvre plein de choses passionnantes. Et c'est vrai que quand on écoute ça, on comprend que il n'est pas voulu sortir ça sous l'égide d'Iron Maiden, tellement le style est quand même complètement différent. C'est vrai que sinon, ça servirait à quoi de faire un album solo si ce serait pour faire la même chose qu'avec son groupe d'origine. Et Bruce Dickinson qui sera en concert à l'Olympia le 26 mai prochain. Et je crois que d'ailleurs, c'est complet, archi complet. Juste avant Bruce Dickinson, c'était donc Judas Priest avec leur dernier album Invincible Shield, et c'était le morceau Trial by Fire. Alors là, j'ai un petit problème technique parce que j'essaie depuis tout à l'heure de mettre en le CD de ce qui devait être la première nouveauté de la soirée, mais je sais pas, les deux platines me font un caca nerveux, elles ne veulent pas diffuser cette nouveauté. Alors bon, je sais pas comment faire pour meubler le terrain. Allez, je réessaye de relancer encore une fois. Et comme vous pouvez le constater, Electric Shock, c'est vraiment du direct live avec ses hauts et ses bas et ses aléas qu'on peut avoir partout. S'il te plaît, Dieu de la musique, fais que la platine veuille accepter que ce groupe, ce CD passe. Non, non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça tourne, ça tourne. Bon, eh bien, puisque ça ne veut pas, on va vous passer autre chose. Et on va revenir à l'album de Hollywoodland qui s'appelle Dark Fate for a Judgment Day, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on va se faire le morceau Nunchaku, en espérant que je puisse vous passer quand même ce que j'avais prévu à l'instant. We'll be right back. Donc, comme je vous le disais, Rolly Woodland avec un extrait de son album Dark Fate for Judgment Day, c'était Nunchaku. Ben donc, désolé, hein, vous n'aurez pas de 5 nouveautés ce soir, vous en aurez que 4. Ben voilà, c'est, comme je vous disais, les inconvénients du direct. On va faire quelque chose de beaucoup plus blues que vous devez connaître si vous écoutez Electric Shock depuis ces dernières semaines. C'est le nouvel album de Freddie Miller, Just Be Yourself, sorti en fin d'année dernière. Et si vous aimez ce style de vraiment indémodable, ça peut être un must. À mon avis, c'est un truc à voir, à surveiller si le groupe vient jouer en concert près de chez nous. Alors, c'est pareil. Est-ce que la platine ne va pas me faire un petit caca nerveux ? Non, je crois que ça va être bon. Vous allez donc avoir extrait donc Never Gonna Be This Way, extrait de Just Be Yourself. Snow, and I don't know how to do it. Never Gonna Be This Way, ça c'est extrait de Just Be Yourself de Freddie Miller, donc pure blues comme on vient de s'en rendre compte. Ça fait du bien ça de temps en temps. Bien, ce qui suit, eux aussi, si vous les auriez interrogés, vous auriez dit qu'ils étaient un groupe de blues. Par contre, ouais, peut-être. L'électricité, elle était là, et la pédale de distorsion à fond, le volume à fond. C'est Motorhead. Et oui, on va revenir au coffret de Motorhead, Lost Steps Collection volume 1 à 5. Qui est sorti fin février, donc regroupant donc 5 concerts inédits donc de la légende britannique. Et pour ce soir, on va faire un petit tour au concert de Malmö en 2000, où le groupe donc était en train de promouvoir son album We Are Motorhead. Et sur cet album, bah, il y avait une reprise des Sex Pistols, God Save the Queen, puisque Lemmy était bien copain avec Johnny Rotten et ses potes. Et puis Motorhead, faut dire que c'était le groupe qui a toujours fait l'unanimité au niveau des rockers, des punks, des métalleux, des rockers de tout genre. Ça a été donc le premier à dire « Bon les gars, arrêtez vos conneries, tout ça c'est que du rock'n'roll ». Voilà. Donc on va se faire cette petite reprise des Pistols, enregistrée donc à Malmö le 17 novembre 2000. Donc, extrait donc du coffret The Lost Tape Collection volume 1 à 5. What? she sees. Cause she's mystery. You're saving my brain. And I'm gonna miss it. All kinds of pain. When it's a shooter, you got me saying. When it's a sleeper, you got me right in. When it falls out of the human machine. We're the future, your future. God save the queen. We've been a man. We love our queen. God save. Hey! Le classique de Tinizzi Rosalie, et c'était donc Motorhead, donc, extrait du concert de Donington du 13 juin 2008, qui est le volume 5 du coffret The Lost Tapes. Autre reprise avant celle des Sex Pistols, God Save the Queen, toujours du même coffret, mais du volume 3, encore enregistré à Malmö en Suède, au Kebehallen, le 17 novembre 2000. Eh bien, on va se faire maintenant la première nouveauté de la soirée. Ça aurait dû être la deuxième. Enfin bon, vous avez vu le petit aléa qu'on a eu. Et là, on va faire du black metal mélodique avec le groupe Griffon qui a sorti mi-février son troisième album qui s'intitule De Republica. Et je vous invite à découvrir La Semaine Sanglante. We'll be right back. Ce petit décrassage auditif vous était offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. À l'instant, Aorato, c'est son dernier album Ecclesia Agnostica, et vous avez vu le morceau De l'agnose éternelle. Et juste avant, ce qui est donc la première nouveauté de la soirée, le groupe Griffon et son troisième album De Republica, et c'était La Semaine Sanglante. On va revenir sur ce qu'était une des nouveautés la semaine dernière et un des coups de cœur d'Electric Shock est vraiment une claque parce que je n'attendais pas grand chose de cet album. C'est l'album solo, le premier album solo de Mick Mars, l'ancien guitariste de Motley Crue. Là où on aurait pu s'attendre à des morceaux très rock, voire même blues, eh bien pas du tout. Sur son album, on a plutôt vraiment du métal quasiment trash, moderne. Et c'est vrai que ça a été une grosse surprise et une belle claque. Du coup, je reconnaissais même pas le son de Mick Mars. Je pense que les amateurs de Motley Crue vont être sacrément surpris, dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc, extrait de cet album, The Other Side of Mars, qui est donc, je vous le répète, un des coups de cœur d'Electric Shock. Le morceau de ce soir, c'est Broken on the Inside. Et bah, quand on connaît les problèmes de santé du monsieur, je pense que ça y va bien. We'll be right back. Quatrième album pour les Bretons de Antares avec After the War. À l'instant, c'était Trains Flash. Juste avant Antares, c'était donc le premier album solo de Mick Mars, l'ancien guitariste de Motley Crue, avec Broken on the Inside, extrait donc de son premier album The Other Side of Mars. Alors non, le final, c'est pas du tout le CD qui déconne, c'est un effet voulu. Avouez que ça fait son petit effet, hein, moi aussi. Hein, la première fois que je l'ai passé sur ma platine, j'ai dit « Oh merde, le CD a un souci !» Et en fait, non, c'est bien foutu. On va se faire la deuxième nouveauté de la semaine, d'un registre très rock. Et pour ça, on va découvrir donc le premier album de Akelena. Alors Akelena, c'est un groupe qui est originaire de la région parisienne, qui existe depuis 2007, qui a déjà fait 150 concerts, en première partie entre autres de Zelka, de Lou Reed, de Hubert Félix-Stéphane, de Trianne, donc vous voyez des gens très différents. Alors musicalement, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le métal, mais on est plutôt dans de la pop musclée. On peut penser à des groupes comme Superbus, Paramore, Skip the Use, un peu Nirvana aussi sur les bords. Alors bien que le groupe existe depuis 2007, c'est son premier album, même s'ils ont déjà sorti vraiment deux EP, le premier en 2017 et le deuxième en 2019, je crois, si mes souvenirs sont bons. Toujours est-il que cet album sorti début février, cet album éponyme. Donc si vous aimez de la bonne pop rock chantée en français, ben voilà un groupe à découvrir. Donc ce soir, ce sera donc le chaînon manquant. We'll be right back. toi, bah, c'est le message que Libre, sur son dernier album Fantôme, nous délivrait à l'instant. Avant Libre, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée, le premier album du groupe parisien Akelena, album éponyme, c'était Le Chaînon Manquant. On va rester avec du Made in France, mais beaucoup plus lourd, beaucoup plus doom, avec vraiment une belle réussite avec le premier album de Witcherius, qui est sorti mi-février. On va s'écouter Watch Me Die. Et c'est vrai que on attaque la deuxième heure d'Electric Shock. C'est vrai que le temps passe très très vite, hein, quand je vous le dis toujours. On est en bonne compagnie et avec de la bonne musique. Donc je vous rappelle Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Tout de suite donc Watch Me Die. Il est vraiment excellent, le premier album éponyme de Witcher Youth. C'était donc Watch Me Die. On va se faire maintenant la troisième nouveauté de la soirée avec dans la série Faisons du neuf avec du vieux, mais attention, culte. Je voudrais le groupe Maudit, qui portait bien son nom, Malédiction. Oui, alors Malédiction, ça va rappeler peut-être des souvenirs aux fans de hard rock français de la fin des années 90, début des années 2000. Puisque le groupe a existé entre 1997 et 2007, quoi, soit 10 ans, et a eu le temps de sortir deux albums avant de tirer sa révérence. Et depuis, le groupe est devenu vraiment culte et leurs albums vraiment recherchés. Et le label Steel Shark, label bien connu qui propose toujours des pépites underground, à édition vraiment très limitée, a vraiment fait mis les petits plats dans les grands. Si vous avez vu dans Rockhard ou dans la presse, ils ont fait un superbe coffret avec la réédition de l'album, du premier album de Malédiction Condamné qui était sorti en 2001. Vous pouvez avoir une belle box avec l'album en double CD, en LP, avec un t-shirt, un livre expliquant toute l'histoire du groupe, le concert que le groupe avait fait en première partie de Saxon en 2001 en CD, plein de goodies, plein de choses comme ça. Mais j'ai bien peur malheureusement que ce coffret ne soit malheureusement épuisé. Par contre, je crois qu'il reste toujours la version LP, il reste des t-shirts. Et la version double CD qui malgré tout permet quand même de se rappeler un petit peu de ce qu'était Malédiction, puisque ça contient donc le double CD, il contient donc l'album de l'époque remixé en 2021 et un CD bonus qui contient donc des démos 2000 et des remixes réalisés par Sylvain Mollard, le chanteur guitariste, en 2015, ainsi que des extraits donc du D-Live que le groupe avait donné en première partie de Saxon le 16 octobre 2001. Et ouais, je me rappelle puisque j'étais à ce concert et je me rappelle avoir trouvé ce groupe quand même très intéressant. Donc on va se faire donc deux petits extraits donc du concert de 2001 où Malédiction donc ouvrait pour la légende britannique, donc extrait donc de cette réédition vraiment à posséder si vous êtes fan de rock français. Tout d'abord, L'Ange Noir. Le Fils de Satan et juste avant L'Ange Noir, tous deux enregistrés live le 16 octobre 2001 à l'Élysée Montmartre en première partie de Saxon. Ça fait partie des titres du CD bonus de la réédition de l'album de Malédiction Condamné, et c'est également donc la troisième nouveauté de la soirée. On va se la faire la plus alternative, si vous voulez bien. On va faire un petit tour du côté de la Drôme, retrouver le premier EP de Heavy Crown. Et on va se faire un petit morceau qui s'appelle Downtown, mais juste avant, un petit interlude. Ah, s'il veut bien passer, oui. Alone, I was looking for answers. How could I be so close to know I was killing my chances? I was a lonely boy, afraid to have a lack of joy in every dream. Every day I was always destroying. The one time I was alone, I was looking for love. Walking away in my city to find a place to go. I was the kind of guy waiting for the rain, cause in my mind the clouds were already pissing on my head. I have nowhere to go, even if I am thinking of running. I know for sure that it will start again tomorrow morning. How could I be so close? I should know what I mean, because I have no self-esteem. I have nowhere to go, even if I am thinking of running. I know for sure that it will start again tomorrow morning. How could I be so close to meet you? I have nowhere to go, even if I am thinking of running. I know for sure that it will start again tomorrow morning. How could I be so close to meet you? wish to stay a man. I wasn't full of fear, I missed something that I repressed. Downtown in a street I couldn't name, I saw an odd reflection of myself. Bon, c'était très pop hein, tout ça. C'était Heavy Crown avec Downtown et son petit interlude, donc extrait de leur premier EP Stranger Things Can Happen. Maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour du côté de Los Angeles, retrouver Deep Cuisine et son EP éponyme, et avec un truc un peu plus trash. Et là, on va se décrasser les esgourdes avec Ground. putain, ça faisait un bail que j'avais pas écouté ça. C'était Machine Head avec un extrait du super album qui était The Blackening, sorti en 2007. C'était Slanderous. Et plus récent, Deep Within avec son premier album sorti donc en début d'année et le morceau Ground. On va se faire un peu de live maintenant. Bah tiens, on va revenir à un des lives de Sunder, sorti fin janvier. Là, on va faire un petit tour à Londres, à la Islington Academy en 2006, lors du dernier concert de la tournée, qui promouvait donc l'album Robert Johnson Tombstone. Voilà, je suis arrivé à le dire. Et on va se faire donc un extrait de cet album avec You Can Keep a Good Man Down en live. Sympa hein, cette version live de You Can Keep a Good Man Down, extrait donc du live at Islington Academy de Thunder, enregistré en décembre 2006 et qui est sorti la fin janvier. Et on approche vers la fin de l'émission, on va se faire une nouveauté, la dernière de la soirée, avec un best-of de Tagada Jones, et oui, qui fête ses donc 30 ans de carrière, donc ils viennent de sortir un best-of qui s'appelle TRNT Best of 1993-2023. En fait, c'est tout simplement des réenregistrements de différents morceaux qui ont jalonné toute leur carrière. Et Tagada Jones, c'est la preuve qu'on peut faire une brillante carrière en faisant tout par soi-même, sans passer par de gros labels et remplir des salles quand même plus que conséquentes. D'ailleurs, pour célébrer leurs 30 ans, ils vont faire une tournée quand même de 100 dates, dont une à l'Olympia le 1er juin prochain. Donc sur ce best-of qui figure dont figure un morceau inédit, tout le reste donc je vous le disais, c'est des réenregistrements. Donc pour ce soir, on va se remettre le zéro de conduite qui figurait à l'origine sur l'album Descente aux Enfers qui était sorti en 2011. Ce matin, je ne sais pas pourquoi je me réveille encore une fois avec une putain de queue de bois et comme si cela ne suffisait pas, il passe en boucle la radio plein de connards. Where are you, maggots? Come to the fish! Are you fired? I'm on my way. Des Dirty Fonzie qui célèbrent leurs 20 ans de carrière avec leur dernier album Full Speed Ahead, c'était donc Casual Day. Je vous rappelle que les Dirty Fonzie seront en concert à l'Astrolabe le 5 avril prochain en première partie des Shérifs. Juste avant Dirty Fonzie, c'était donc la dernière nouveauté de la soirée, les Tagada Jones qui célèbrent leurs 30 ans de carrière avec un best-of réenregistré qui s'appelle TRNT Best of 1993-2023 et c'était 0 de conduite. Allons faire un petit tour en Suède, retrouver Sorcerer, si vous voulez bien, avec leur album Ring of the Reaper. Et on va aller faire un petit blasphème avec Unveiling Blasphemy. Unveiling Blasphemy, donc extrait de Reign of the Reaper, le dernier album de Sorcerer. Eh bien, on a le temps de se faire un dernier morceau avant de se quitter. Eh bien, on va revenir à l'album de Exciteden, les trois divas du métal symphonique, avec leur album composé à moitié de reprises et de morceaux originaux. Là, pour ce soir, on va se faire une petite reprise dont beaucoup de gens m'ont demandé de la passer. C'est la reprise de la vilaine fermière, pardon, Mylène Farmer, Désenchantée, où c'est la chanteuse, donc Clémentine Delaunay, de Visions of Atlantis, qui s'y colle. Alors moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un fan du tout de la gothique de supermarché, mais par contre, je dois avouer que par Clémentine Delaunay, ça a plus de voix quand même. Pour amener, je Désenchantée, reprise de Mylène Farmer, donc repris par Excited Dunn sur son dernier album Femme Fatale. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été encore à l'écoute du magazine Metal de Radio Arc-en-Ciel. Par contre, les amis Nightclubbers vont être comblés ce soir parce que Electro Live va commencer maintenant. Et je crois que l'ami Christophe nous a préparé un petit retour vers le futur. C'est bien ça ? Salut Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, ce soir, c'est retour vers les années 2000-2010, ouais, pour changer un petit peu l'actualité. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu circuler, il y a une DeLorean que j'ai vu passer tout à l'heure à toute vitesse, et effectivement, j'ai vu Christophe en sortir, ce qui explique pourquoi ce soir, vous allez avoir donc un programme rétro. Voilà. Ouais, c'est ça, avec une heure à peu près de dance, house de l'époque, et puis après une heure de tech, la pure tech. Eh bien donc, restez bien sur Radio Arc-en-Ciel. La musique continue maintenant. Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Salut à tous, moi je vous dis à mardi prochain.